À quelle vitesse peut-on rouler sur autoroute par temps de pluie? Et on se retrouve tout de suite après. Ah, c'est minable. Vous pouvez nous appeler 0803-08-5000. Donc, on va s'écouter Jean-Jean Jouy avec les dodus du péage de l'Alma. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite des débats. Bonjour, c'est Jean-Louis Aubert. Quoi, ma salope? Attends, je suis pas ta salope. Hein. Jean-Vite Calin. Gérard, fils de mon oncle. Oh non. Bandit Panda Mystère. Oh là là là. Oh. Annie Cordy et Yves Tonnerre ne font pas des défilés de mode, d'accord? Non. Oh là là là là là là là là là là. T'as une façon de penser qui est assez bizarre. Non. Jean-Vite Calin. Vous êtes vraiment des enfoirés quand ces mecs vous foutent.